Est-ce qu'on aura le temps de vivre notre vie d'avant? Laisser couler nos sentiments, laisser souffler, siffler le vent. Brûler l'amour, consumer les jours, les consommer pour s'enivrer toujours. Est-ce qu'on aura la chance d'être fier de cette France? Oubliez les débordements, on est petit avant d'être grand. Tous ces beaux discours, la nuit puis le jour, le pouvoir aux sourds, les valeurs aux fous. Je veux juste être le président. Laissez-moi, je veux juste être le président. Juste être le président. Laissez-moi, je veux juste être le président. Dans ma cellule présidentielle, faut pas s'étonner si je suis arrivé au septième ciel, car je suis l'élu. C'est sûr, je vous ai convaincu, voix de parvenu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Manipulé comme des animaux, comme du gibier, si vous entendiez tout ce que je balance à votre sujet dans ma campagne, j'ai pas cessé de le crier, la France travaille, vous n'avez pas fini d'en chier. Je veux juste être le président. Laissez-moi, je veux juste être le président. Juste être le président. C'est moi, je veux juste être le président. La chance de pouvoir se tirer en vacances. Il était un petit navire qui n'avait jamais souffloyé. Tous les opprimés, tous les sans-papiers, c'est sûr, c'est juré, je m'en occuperai. Réveiller nos consciences, parce que ça y est, ça recommence. Le mensonge s'est installé dans la complaisance de l'immunité. Mmh. le président. Laissez-moi, je veux juste être le président. Oh oh oh, juste être le président. Laissez-moi, je veux juste être le président.